Chapitre 31e. Convalescence. Cependant, la reine avait marché droit au fauteuil de Charny. Celui-ci leva la tête au bruit des mules qui criaient sur le parquet. « La reine ? » murmura-t-il en essayant de se lever. « La reine, oui, monsieur, » se hâta de dire Marie-Antoinette. « La reine qui sait comment vous travaillez à perdre la raison et la vie. La reine que vous offensez dans vos rêves. La reine que vous offensez éveillée. La reine qui a soin de son honneur et de votre sûreté. Voici pourquoi elle vient à vous, monsieur, et ce n'est pas ainsi que vous devriez la recevoir. » Charny s'était levé tremblant, éperdu, puis au dernier mot il s'était laissé glisser sur ses genoux, tellement écrasé par la douleur physique et la douleur morale, que, courbé ainsi en coupable, il ne voulait, ne pouvait se relever. « Est-il possible, » continua la reine touchée de ce respect et de ce silence, « est-il possible qu'un gentilhomme, renommé autrefois parmi les plus loyaux, s'attache comme un ennemi à la réputation d'une femme? Car notez ceci, monsieur de Charny, dès notre première entrevue, ce n'est pas la reine que vous avez vue et que je vous ai montrée, c'était une femme, et vous n'eussiez jamais dû oublier. » Charny, entraîné par ces paroles sorties du cœur, voulut essayer d'articuler un mot pour sa défense. Marie-Antoinette ne lui en laissa pas le temps. « Que feront mes ennemis, dit-elle, si vous donnez l'exemple de la trahison ?»« La trahison ?» balbutia Charny. « Monsieur, voulez-vous choisir? Ou vous êtes un insensé et je vais vous ôter le moyen de faire le mal? Ou vous êtes un traître et je vais vous punir? Madame, ne dites pas que je suis un traître. Dans la bouche des rois, cette accusation précède l'arrêt de mort. Dans la bouche d'une femme, elle déshonore. Reine, tuez-moi, femme, épargnez-moi. » « Êtes-vous dans votre bon sens, monsieur de Charny ? » dit la reine d'une voix altérée. « Oui, madame. Avez-vous conscience de vos torts envers moi, de votre crime envers le roi ?»« Mon Dieu ! » murmura l'infortuné. « Car vous l'oubliez trop facilement, messieurs les gentilshommes. Le roi est l'époux de cette femme que vous insultez tous en levant les yeux sur elle. Le roi est le père de votre maître futur, mon dauphin. Le roi, c'est un homme plus grand et meilleur que vous tous, un homme que je vénère et que j'aime. » « Oh ! » murmura Charny en poussant un sourd gémissement, et pour se soutenir, il fut obligé d'appuyer une de ses mains sur le parquet. Son cri traversa le cœur de la reine. Elle lut dans le regard éteint du jeune homme qu'il venait d'être frappé à mort, si elle ne tirait promptement de la blessure le trait qu'elle y avait enfoncé. C'est pourquoi, miséricordieuse et douce, elle s'effraya de la pâleur et de la faiblesse du coupable, et fut prête un moment d'appeler au secours. Mais elle réfléchit que le docteur, que André, interpréterait mal cette pâmoison du malade. Elle le releva de ses mains. « Parlons, dit-elle, moi en reine, vous en homme. Le docteur Louis a essayé de vous guérir. Cette blessure, qui n'était rien, empire par les extravagances de votre cerveau. Quand sera-t-elle guérie, cette blessure? Quand cesserez-vous de donner au bon docteur le spectacle scandaleux d'une folie qui l'inquiète? Quand partirez-vous du château? » « Madame, » balbutia Charny, « votre majesté me chasse. Je pars, je pars. » Et il fit un mouvement si violent pour partir que, lancé hors de son équilibre, il vint tomber en chancelant dans les bras de la reine qui lui barrait le passage. À peine eut-il senti le contact de cette poitrine brûlante qui le retenait, à peine eut-il plié sous l'étreinte involontaire du bras qui le portait, que sa raison l'abandonna entièrement. Sa bouche s'ouvrit pour laisser passer un souffle dévorant qui n'était point une parole et n'osait être un baiser. La reine elle-même, brûlée par ce contact, fléchie par cette faiblesse, n'eut pas le temps de pousser le corps inanimé sur son fauteuil, et elle voulut s'enfuir. Mais la tête de Charny était retombée en arrière. Elle battait le bois du fauteuil, une légère nuance rosée colorait l'écume de ses lèvres, une goutte rose et tiède était tombée de son front sur la main de Marie-Antoinette. « Oh, tant mieux, » murmura-t-il, « tant mieux. Je meurs tué par vous. » La reine oublia tout. Elle revint, saisit Charny dans ses bras, le releva, pressa sa tête morte sur son sein, appuya une main glacée sur le cœur du jeune homme. L'amour fit un miracle. Charny ressuscita. Il ouvrit les yeux, la vision disparut. La femme s'épouvantait d'avoir laissé un souvenir là où elle ne croyait donner qu'un dernier adieu. Elle fit trois pas vers la porte avec une telle précipitation que Charny eut à peine le temps de saisir le bas de sa robe en s'écriant « Madame, au nom de tout le respect que j'ai pour Dieu, moins grand que le respect que j'ai pour vous, adieu, adieu, » dit la reine. « Madame, pardonnez-moi. » « Je vous pardonne, monsieur de Charny. » « Madame, un dernier regard. » « Monsieur de Charny. » fit la reine en tremblant d'émotion et de colère. Si vous n'êtes pas le dernier des hommes, ce soir, demain, vous serez mort ou parti du château. Une reine prit quand elle commande en ces termes. Charny, joignant les mains avec ivresse, se traîna agenouillé jusqu'aux pieds de Marie-Antoinette. Celle-ci avait déjà ouvert la porte pour fuir plus vite le danger. André, dont les yeux dévoraient cette porte depuis le commencement de l'entretien, vit ce jeune homme prosterné, la reine défaillante. Elle vit les yeux de celui-ci resplendir d'espoir et d'orgueil, les regards de celle-là penchés, éteints vers le sol. Frappée au cœur, désespérée, gonflée de haine et de mépris, elle ne courba point la tête. Quand elle vit revenir la reine, il lui sembla que Dieu avait trop donné à cette femme, en lui donnant comme superflu un trône et la beauté, puisqu'il venait de lui donner cette demi-heure avec M. de Charny. Le docteur, lui, voyait trop de choses pour en remarquer aucune. Tout entier au succès de la négociation entamée par la reine, il se contenta de dire « Eh bien, madame ?» La reine prit une minute pour se remettre et retrouver sa voix étouffée par les battements de son cœur. « Que fera-t-il ? » répéta le docteur. « Il partira, » murmura la reine. Et sans faire attention à André qui fronçait le sourcil et à Louis qui se frottait les mains, elle traversa d'un pas rapide le corridor de la galerie, s'enveloppa machinalement de sa mante à ruche de dentelle et rentra dans son appartement. André serra la main du docteur qui courait retrouver son malade, puis, d'un pas solennel comme celui d'une ombre, elle retourna dans son logis à elle, la tête baissée, l'œil fixe et la pensée absente. Elle n'avait pas même songé à demander les ordres de la reine. Pour une nature comme celle d'André, la reine n'est rien, la rivale est tout. Charny, remis aux soins de Louis, ne parut plus être le même homme que la veille. Fort jusqu'à l'exagération, hardi jusqu'à la fanfaronnade, il adressa au bon docteur des questions si pressées, si énergiques, au sujet de sa prochaine convalescence, sur le régime à suivre, sur les moyens de transport, que Louis crut à une rechute plus dangereuse, produite par une manie d'un autre ordre. Charny le détrompa bientôt. Il ressemblait à ce fer rougi au feu, dont la teinte s'affaiblit à l'œil à mesure que la chaleur diminue d'intensité. Le fer est noir et ne parle plus à la vue, mais il est encore assez brûlant pour dévorer tout ce qu'on lui présentera. Louis vit le jeune homme reprendre son calme et sa logique des bons jours. Charny fut réellement si raisonnable qu'il se crut obligé d'expliquer au médecin le brusque changement de sa résolution. « La reine, dit-il, m'a plus guéri en me faisant honte que votre science, cher docteur, ne lui fait avec d'excellents remèdes. Me prendre par l'amour-propre, voyez-vous, c'est me dompter comme on dompte un cheval avec un mort. Tant mieux, murmura le docteur. Oui, je me souviens qu'un Espagnol, ils sont assez vantards, me disait un jour pour me prouver sa force de volonté qu'il lui avait suffi, dans un duel où il était blessé, de vouloir retenir son sang pour que le sang ne coulât pas et ne réjouît pas l'œil de l'adversaire. J'ai ri de cet Espagnol. Cependant, je suis un peu comme lui. Si ma fièvre, si ce délire que vous me reprochez voulait reparaître, je les chasserai, je gage, en disant « Délire et fièvre, vous ne reparaîtrez plus ». Nous avons des exemples de ce phénomène, dit gravement le docteur. Toutefois, permettez-moi de vous féliciter. Vous voilà guéri moralement ? Oh oui. Eh bien, vous ne tarderez pas à voir tout le rapport qu'il y a entre le moral et le physique de l'homme. C'est une belle théorie que je rédigerai en livre si j'avais le temps. Saint d'esprit, vous serez saint de corps en 8 jours. Cher docteur, merci. Et pour commencer, vous allez donc partir ? Quand il vous plaira, tout de suite. Attendons ce soir, modérons-nous, procéder par les extrêmes, c'est risqué toujours. Attendons au soir, docteur. Irez-vous loin ? Au bout du monde, s'il le faut. C'est trop loin pour une première sortie, dit le docteur avec le même flegme. Contentons-nous de Versailles d'abord, hein ? Versailles soit, puisque vous le voulez. Il me semble, dit le docteur, que ce n'est pas une raison pour vous expatrier que d'être guéri de votre blessure. Ce sang-froid étudié acheva de mettre Charny sur ses gardes. « C'est vrai, docteur, j'ai une maison à Versailles. Eh bien, voilà notre affaire. On vous y portera ce soir. »« C'est que vous ne m'avez pas bien compris, docteur. Je désirais faire un tour dans mes terres. »« Ah, dis donc cela. Vos terres, que diable, mes vos terres ne sont pas au bout du monde. Elles sont sur les frontières de Picardie, à 15 ou 18 lieues d'ici. Vous voyez bien ?» Charny serre la main du docteur, comme pour le remercier de toutes ses délicatesses. Le soir, ces quatre balais qu'il avait si rudement éconduits lors de leur première tentative, emportèrent Charny jusqu'à son carrosse qui l'attendait au guichet des communs. Le roi, ayant chassé toute la journée, venait de souper et dormait. Charny, un peu préoccupé de partir sans prendre congé, fut pleinement rassuré par le docteur qui promit d'excuser le départ en le motivant par un besoin de changement. Charny, avant d'entrer dans son carrosse, se donna la douloureuse satisfaction de regarder jusqu'au dernier moment les fenêtres de l'appartement de la reine. Nul ne pouvait le voir. Un des laquais, portant flambeau à la main, éclairait le chemin sans éclairer la physionomie. Charny ne rencontra sur les degrés que plusieurs officiers, ses amis, prévenus assez à temps pour que le départ n'eût pas l'air d'une fuite. Escorté jusqu'au carrosse par ses joyeux compagnons, Charny put permettre à ses yeux d'errer sur les fenêtres. Celle de la reine resplendissait de lumière. Sa majesté, un peu souffrante, avait reçu les dames dans sa chambre à coucher. Celle d'André, morne et noire, cachait derrière le pli des rideaux de damas une femme toute anxieuse, toute palpitante, qui suivait sans être aperçue jusqu'au mouvement du malade et de son escorte. Le carrosse partit enfin, mais si lentement qu'on entendait chaque fer des chevaux sur le pavé sonore. « S'il n'est pas à moi, » murmura André, « il n'est plus à personne, du moins. »« S'il lui reprend des envies de mourir, » dit le docteur en entrant chez lui, « au moins ne mourra-t-il ni chez moi ni dans mes mains. Diantre soit des maladies de l'âme. On n'est pas le médecin d'Antiochus et de Stratonis pour guérir ces maladies-là. » Charny arriva sain et sauf à sa maison. Le docteur lui vint rendre visite le soir et le trouva si bien qu'il se hâta d'annoncer que ce serait la dernière visite qu'il lui ferait. Le malade soupa d'un blanc de poulet et d'une cuillerée de confiture d'Orléans. Le lendemain, il reçut la visite de son oncle, M. de Suffren, la visite de M. de Lafayette, celle d'un envoyé du roi. Il en fut à peu près de même le surlendemain, et puis on ne s'occupa plus de lui. Il se levait et marchait dans son jardin. Au bout de 8 jours, il pouvait monter un cheval de paisible allure. Ses forces étaient revenues. Sa maison n'étant pas encore assez délaissée, il demanda au médecin de son oncle et fit demander au docteur Louis l'autorisation de partir pour ses terres. Louis répondit de confiance que la locomotion était le dernier degré de la médication des blessures, que M. de Charny avait une bonne chaise, et que la route de Picardie était unie comme un miroir, et que demeurer à Versailles, quand on pouvait si bien et si heureusement voyager, serait folie. Charny fit charger un grand fourgon de bagages. Il offrit ses adieux au roi, qui le combla de bonté, pria M. de Suffren de présenter ses respects à la reine, ce soir la malade, et qui ne recevait pas. Puis, montant dans sa chaise à la porte même du château royal, il partit pour la petite ville de Villers-Cotterêts, d'où il devait gagner le château de Boursonne, situé à 1 lieue de cette petite ville, qu'illustraient déjà les premières poésies de Demoustier.